si. Ok, ton mic, c'est l'IPER. Luxen, Carmel, l'ancien. Si. On va leur dire ça. J'ai voulu mieux que ce que j'avais, mais j'ai eu pire que ce que j'imaginais. Si tu connais la route du bonheur, dis-moi où c'est, j'y vais. C'est Deadman, la poisse m'a dit bien ou quoi. Patate, état d'esprit, dans les bouches ça part. J'ai voulu mieux que ce que j'avais, mais j'ai eu pire que ce que j'imaginais. Si tu connais la route du bonheur, dis-moi où c'est, j'y vais. C'est Deadman, la poisse m'a dit bien ou quoi. Patate, état d'esprit, dans les bouches ça part. Je voulais repartir du bon pied, mais j'ai un boulet attaché dessus. Je voulais me ranger, mais j'ai que des relations qui partent en 7 dessus. Souvent déçu, j'ai voulu me venger, je me suis retenu. Jamais de la vie, j'aurais pensé être ce que je suis devenu. Je suis pas le doyen, là d'où tu viens, j'en suis déjà revenu. La vie est faite de signes que je pourrais pas redave à l'œil nu. J'ai voulu bien faire, j'ai fait que de la merde. Quand t'es sincère, tu tombes sur un PD qui veut te la mettre. Des petites pétasses pas nettes qui veulent te disquer. Elles disent qu'elles sont droites, elles sont réglo, qu'elles sont là pour faire quelque chose de sérieux. Mais tu passes pour un fomblard, on sent les mines chamarrées. Ma parole qu'elles se font rares. J'aurais été mon ex avec une connasse bleue arrivant à la cheville. Là je me retrouve comme un connard qui se confie à un psy. Je sais que je me retrouve comme un gros naze, mais maliche c'est la vie. Si je me laisse bouffer par tout ça, je crois que je suis bon pour la cible. Je voulais revoir Ismaël, Kader et Bachir. Mais je me retrouve à les pleurer, j'ai le cœur qui se déchire. J'ai voulu me ressaisir, mais je me suis enfoncé. Pour tout te dire, j'ai qu'il se complète complètement. J'ai voulu mieux que ce que j'avais, mais j'ai eu pire que ce que j'imaginais. Si tu connais la route du bonheur, dis-moi où c'est, j'y vais. C'est Deadman, la poisse m'a dit bien ou quoi. Patate, état d'esprit, dans les bouches ça part. J'ai voulu mieux que ce que j'avais, mais j'ai eu pire que ce que j'imaginais. Si tu connais la route du bonheur, dis-moi où c'est, j'y vais. C'est Deadman, la poisse m'a dit bien ou quoi. Patate, état d'esprit, dans les bouches ça parle mal. On passe nos vies à essayer de s'en sortir, mais malheureusement la haine veut pas nous voir partir. Je voulais ma famille unie et soudée, mais les embrouilles, les décès ont fait ma mère pleurer. Je voulais que Faouzi ait le temps de me voir grandir, marié, que mes enfants puissent le voir sourire. Je voulais pas me prendre la tête fils, mais j'ai mal au crâne. Certains profitent de toi, c'est fils de crabe. Je voulais qu'on se tape des bêtes de vacances. T'as sorti M.E.H, t'inquiète, chaque jour j'y pense. Avoir le temps de taffer, en même temps le temps de rapper. Mais lequel des deux me ramène vraiment de quoi manger? De quoi tu te plains quand tes parents sont des riches à part entière? J'ai pas vécu dans le luxe mais j'en suis fier. Je voulais être le petit beurre qui fout le feu sur scène. Au beurre, l'argent du beurre, frère, appelle-moi Luxen. J'ai voulu mieux que ce que j'avais, mais j'ai eu pire que ce que j'imaginais. Si tu connais la route du bonheur, dis-moi où c'est, j'y vais. C'est Deadman, la poisse m'a dit bien ou quoi. Patate, état d'esprit, dans les bouches ça part. J'ai voulu mieux que ce que j'avais, mais j'ai eu pire que ce que j'imaginais. Si tu connais la route du bonheur, dis-moi où c'est, j'y vais. C'est Deadman, la poisse m'a dit bien ou quoi. Patate, état d'esprit, dans les bouches ça part. J'ai voulu mieux que ce que j'avais, mais j'ai eu pire que ce que j'imaginais. Si tu connais la route du bonheur, dis-moi où c'est, j'y vais. C'est Deadman, la poisse m'a dit bien ou quoi. Patate, état d'esprit, dans les bouches ça part. J'ai voulu mieux que ce que j'avais, mais j'ai eu pire que ce que j'imaginais. Si tu connais la route du bonheur, dis-moi où c'est, j'y vais. C'est Deadman, la poisse m'a dit bien ou quoi. Patate, état d'esprit, dans les bouches ça parle mal.